بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم النبيين وإمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، donc nous continuons بإذن الله notre cours de tafsir, et nous sommes dans le tafsir de sourate Al-Balad. Et nous avons étudié la semaine passée la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il mentionne لَقَدْ خَلَقَنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدْ. Nous avons créé l'être humain فِي كَبَدْ. Et كَبَدْ, on a dit qu'il y avait deux principaux tafsirs de la part des savants de l'islam. Al-Kabad, yani la droiture, le fait que l'être humain a été créé droit, il se tient droit, rectiligne. Ou Al-Kabad, yani une vie de labeur, une vie de difficulté, une vie faite d'épreuves. Et comme on a, comme le Shir a cité, la règle qui est très connue maintenant auprès de vous tous, dans le tafsir, lorsque deux explications sont possibles pour un verset, et qu'il n'y a pas de contradiction entre ces deux explications, alors les deux explications s'appliquent au verset. Et ensuite, il mentionne, on a expliqué en détail, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala mentionne Alam naj'al lahu 'aynayn wa lisaanan wa shafatayn, ne lui avons pas donné deux yeux avec lesquels il regarde, une langue et des lèvres, deux lèvres avec lesquelles il parle, et on l'a guidé vers les deux voies. On a dit qu'ici il y a aussi deux tafsirs. Premièrement, le fait qu'Allah Azza wa Jal les a guidés, leur a clarifié la voie du bien, la voie du mal. Et également le fait que ceci désigne quoi? La poitrine de la femme. Et que l'enfant, lorsqu'il naît, Allah Azza wa Jal lui guide automatiquement à la poitrine de sa mère, afin qu'il puisse se nourrir. Donc les deux explications avaient été données, on avait détaillé tout cela, revenez au cours de la semaine dernière, pour ceux qui veulent plus de détails. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne, فَلَقَتَحَمَ الْعَقَبَ أي الْإِنسَانَ الَّذِي كَانَ يَقُولْ أَهْلَكْتُمَا لَلُّبَدَى فَلَقَتَحَمَ الْعَقَبَ يعني هَلَّا اِقْتَحَمَ الْعَقَبَ والاقتحام هو التجاوز بمشقة. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ce verset. Pourquoi donc ne s'engage-t-il pas sur Al-Aqaba? Pourquoi cet homme, cette personne, cet individu qui disait أَهْلَكْتُمَا لَلُّبَدَى, j'ai certes perdu beaucoup d'argent. Cet homme-là, pourquoi il ne s'engage pas, il ne prend pas cette voie qu'on appelle Al-Aqaba? Et Al-Iqtiham, ici, le verbe Iqtahama, c'est le fait de se dépasser, de se surpasser, mais avec difficulté. Donc cet homme, pourquoi il ne se surpasse pas, il ne dépasse pas, certes avec difficulté, cette voie qu'on appelle Al-Aqaba. Al-Aqaba, dans la langue arabe, hiya at-tariq fil jabal al-wa'ir. Wa la shakka an iqtiham hadhi al-aqaba shaqqa 'ala an-nufus. Al-Aqaba, dans la langue arabe, c'est cette route, ce chemin dans une montagne très haute. Je pense que vous avez tous vu peut-être des vidéos, des images, dans des montagnes, des petits chemins, tu as l'impression Tu fais un centimètre à gauche ou à droite, tu tombes. Hein? Ça, c'est une voie, donc une voie difficile, une voie périlleuse. Hein? Et il n'y a pas de doute que le fait de se surpasser ou de s'engager dans cette voie, ça va être difficile pour an-nufus, pour les âmes. لا يتجاوزه أو لا يقوم به إلا من كان عنده نية صادقة في تجاوز هذه العقبة. Et donc personne va se surpasser ou personne va s'engager sur cette voie excepté celui qui a une intention pure, une intention sincère. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ. Cette phrase, comme on l'a souvent citée, elle est souvent citée dans le Coran. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ. هَذَا الْاِسْتِفَامُ لِلْتَشْوِيقِ وَالْتَفْخِيمِ أَيْضًا. يعني ما الذي أعلمك شأن هذه العقبة التي قال الله عنها فلقتها ما العقبة. يعني ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il interroge, afin yani de faire durer le suspense, afin de montrer l'importance de cette chose. Et en l'occurrence ici, c'est quoi? Al-Aqaba. Yani, c'est-à-dire, c'est qui t'a appris l'affaire de cette Aqaba, de cette voie périlleuse, de cette voie dangereuse, de cette voie difficile pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a dit et pourquoi ne s'est-il pas engagé ou ne s'est-il pas surpassé dans cette voie-là, cette voie dangereuse ou périlleuse? وبينها الله في قوله فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. Et Allah subhanahu wa ta'ala ensuite il a expliqué, il a clarifié cette voie difficile. Première chose, فك رقبة هي خبر للمبتدا محذوف والتقدير هي فك رقبة وفك رقبة له معنيين. Donc il dit la première chose ici, il mentionne la première chose, quelle est cette voie? C'est, on pourrait traduire littéralement par le fait de libérer un esclave. Ici le sens de فك رقبة, il y a deux significations. Le معنى الأول فكها من الرق بحيث يعتق الإنسان العبيد المملوكين سواء كانوا في ملكه فيعتقهم أو كانوا في ملك غيره فيشتريهم ويعتقهم. Donc ici, la première signification de cela, c'est le fait de le libérer. De le libérer de quoi? De sa servitude, du fait qu'il a été esclave. Dans la mesure où la personne, elle va acheter et libérer l'esclave. Vous savez, bon, allez, à notre époque, il n'y a plus d'esclavage de façon officielle. Non? Il n'y a plus d'esclaves qu'on achète et qu'on revend, des êtres humains, des hommes ou des femmes qui sont, qui appartiennent à d'autres hommes ou femmes. À l'époque de l'islam, l'esclavage existait. J'aimerais ouvrir une parenthèse, mes frères et mes sœurs, pour contredire et pour répondre aux ennemis de l'islam, de n'importe quel bord d'où ils viennent, que ce soit les occidentaux ou que ce soit des fois malheureusement nos propres frères et sœurs en Afrique ou autres qui prétendent que l'islam a favorisé l'esclavage ou l'islam était une religion dure par rapport à l'esclavage, etc. L'islam est venu et l'esclavage était présent. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, par sa sagesse et sa miséricorde, a légiféré des lois, a légiféré une religion parfaite dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a incité les croyants à justement libérer les esclaves. Regardez les récompenses dans la libération des esclaves. Regardez les œuvres et les actes que tu peux faire et la récompense c'est quoi? C'est comme s'il avait libéré des esclaves. Regardez également dans Al-Kafar, dans le fait l'expiation, le fait de délivrer, de libérer ou d'acheter un esclave ou plusieurs, dans plusieurs sujets de la religion. Donc l'islam est venu et a régulé, dans la mesure où l'islam a imposé et a légiféré le bon comportement envers les esclaves, le bon comportement ou les bonnes manières avec les esclaves. Et l'islam est venu et a incité justement à libérer les esclaves. Hein? Donc n'écoutez pas la parole des ennemis de l'islam qui veut dénigrer l'islam en prétendant que l'islam est une religion injuste, hein, ou qui est une religion dure, et notamment ils utilisent le sujet de l'esclavage. Al-Muhim. Donc le premier sens ici, c'est le fait, hein, Fakkuraqaba, justement regardez le verset, il incite à quoi? À libérer les esclaves, que ce soit des esclaves que la personne possède elle-même ou des esclaves qui sont possédés par autres et qu'il va acheter pour libérer. Comme qui? Abou Bakr Siddiq. Hein, tout le monde a le nom d'Abou Bakr en tête. Hein, regardez l'œuvre, regardez les œuvres d'Abou Bakr, subhanallah, 1400 ans après. Hein, le premier nom qui vous vient en tête, c'est Abou Bakr Siddiq. Imaginez-vous, subhanallah, imaginez-vous la valeur de cet homme. Imaginez-vous, hein, yani, ça c'est des signes de l'acceptation des œuvres de cet homme. Subhanallah, 1400 ans après, nous sommes au fin fond de l'Afrique, à des milliers de kilomètres de Mecca, hein, on parle de l'esclavage et de libérer l'esclave, le premier homme qui nous vient en tête, Abou Bakr Siddiq, radiallahu anhu. Allahu Akbar. والمعنى الثاني فك رقبة من الأسرى فإن فكاك الأسير من أفضل الأعمال إلى الله عز وجل والأسير ربما لا يفكه العدو إلا بفدية مالية وربما تكون هذه الفدية فدية باهظة كثيرة لا يقتحمها إلا من كان عنده إيمان بالله عز وجل بأن يخلف عليه ما أنفقه ويثيبه على ما تصدقه. Le deuxième sens du verset, c'est le fait, hein, de libérer qui? Les captifs. Ceux qui ont été les prisonniers, les captifs. Hein, le fait de libérer le prisonnier ou le captif fait partie des meilleures œuvres auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, hein, celui qui a été capturé pendant la guerre, celui qui a été fait captif, hein, l'ennemi, il ne va pas le libérer comme ça. Hein, les ennemis vont pas, oh, vas-y, bah, rentre chez vous, salam alaykoum. Là, ils vont, hein, les garder avec eux. Ils ont une force, ils ont ils sont en position de force. Alors, ils vont les échanger seulement si tu donnes beaucoup d'argent. Hein, tu donnes une somme très grande. Hein, ils vont vendre leur captif ou leur prisonnier très cher. Et donc personne ne va s'engager ou se surpasser sur cette voie dangereuse qu'est le fait de libérer les prisonniers, ni de payer la libération des prisonniers, uniquement celui qui a une foi, la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, et qui veut laisser derrière lui ce qu'il a dépensé, hein, et qui espère la récompense de son aumône. Taïeb. Donc ici les deux. Les deux sens sont possibles. Il y a une opposition entre les deux sens? Non. Donc, les deux sens peuvent être utilisés pour la parole. Ou it'am fi yawmin fi masraba. Ou hadhihi litanwi' yani wa imma. It'am fi yawmin fi masraba ay fi maja'a shadida. لأن الناس قد يصابون بالمجاعه الشديده. إما لقلة الحاصل من الثمار أو الزروع وإما لأمراض في أجسامهم يأكل الإنسان ولا يشبع وهذا قد وقع فيما نسمع عنه في البلاد النجدية وربما في غيرها أيضا أن الناس يأكلون ولا يشبعون يأكل الواحد مأكول العشرة ولا يشبع ولا يشبع ويموتون من الجوع في الأسواق ويتساقطون في الأسواق ولا يشبع من الجوع هذه من المصاغب أو قلة المحصول بحيث لا تثمر الأشجار ولا تنبت الزروع فيقل الحاصل وتحصل المصغبة ويموت الناس جوعا Ensuite, il mentionne une deuxième chose. Il mentionne une deuxième chose qui est sur, qui concerne cette voie difficile. C'est le quoi? Le fait de nourrir. Le fait de nourrir le jour de famine. C'est-à-dire lorsqu'il y a une grande famine. Masraba, c'est une famine, la période de disette. Et là où c'est dit, il y a une grande faim qui touche les gens. Donc les gens peuvent être touchés par une grande famine. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas accès. Donc il y a très peu de quoi, de fruits, de céréales, de récoltes, etc. Ils n'ont rien à manger. Aussi également, par cause de maladies, nous dit le Shir, c'est Shir Uthaymin, une maladie qui touche leur corps. Des gens qui mangent, ils ne sont jamais rassasiés. Ils mangent, ils ne sont jamais rassasiés. Comme le Shir dit ici, comme on a entendu cette information, de la part des gens du Najd. Le Najd, c'est la région de Riyad, etc. Des gens qui mangent. Une personne mange la nourriture de 10 personnes, elle n'est pas rassasiée. Jusqu'à ce que ces gens meurent de faim dans les marchés, etc. Donc ça fait partie des famines. Donc ici, une autre caractéristique de cette voie difficile, c'est quoi? C'est nourrir les gens, mais pas à n'importe quel moment. Au moment où il n'y a rien. Au moment où il n'y a pas de nourriture. Au moment d'une grande famine. Regardez mes frères, quand c'est le cas, un grand moment de grande famine. Les personnes, ils ont à manger chez eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans la rue, ils distribuent. Ils gardent pour eux, ils ont peur eux. Ils ont peur. Mais là, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne celui qui justement, dans ce moment de difficulté, dans ce moment de test, d'épreuve, il nourrit les pauvres, il nourrit les nécessiteux ou ceux qui ont faim, alors qu'ils sont dans une période de famine. Voyez. يتيما اليتيم ومن مات أبوه قبل أن يبلغ سواء كان ذكرا أو أم أنثى فإن بلغ فإنه لا يكون يتيما لأنه بلغ وانفصل وكذلك لو ماتت أمه فإنه لا يكون يتيما خلافا لما يظنه بعض العامة أن اليتيم من ماتت أمه وهذا ليس بالصحيح فاليتيم من مات أبوه لأنه إذا مات أبوه لم يكن له كاسب من الخلق يكسب له. Ensuite il mentionne qui? Yatiman. Ensuite dans le verset il mentionne Yatiman ذا مقربة. Yatiman c'est l'orphelin, yani celui qui a perdu son père. Son père est mort avant que il n'atteigne l'âge de puberté. Que ça soit un garçon ou une fille. Que ça soit un garçon ou une fille, ça rentre dans Al-Yatim, l'orphelin. D'accord? C'est-à-dire, avant qu'il atteint l'âge de puberté, l'enfant, et l'âge de puberté, en général, il arrive entre 10 et 15 ans, ça dépend des enfants, des fois avant 10 ans. Et il y a des signes, il y a des signes de la puberté que les parents connaissent et qui doivent enseigner à leurs enfants, comme la sortie du mani, comme les poils pubien qui pousse, comme pour les filles, les règles et les menstrues, ou alors l'âge de 15 ans. Si aucun de ces signes apparaît et l'enfant atteint l'âge de 15 ans, il est pubère. Cependant, attention, l'âge de 15 ans du calendrier égyrien, ça c'est très important. Il y en a, malheureusement, on est, je ne sais pas le mot, mais le calendrier grégorien, le calendrier des kofars, nous a carrément kidnappé. On est sous l'emprise. Voilà, on est sous l'emprise totale du calendrier grégorien. À tel point que la très grande majorité des musulmans pensent directement au calendrier des kofars. Quand tu dis 15 ans, j'en suis sûr que la plupart des musulmans, ils pensent, ok, je suis né le 26 avril, donc en 2002, En 2017, j'ai eu 15 ans. Non. Le calendrier égyrien, le calendrier des musulmans, celui qui a été mis en place par Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, avec les mois musulmans. Hein? Et donc, il faut savoir que chacun sache hein, quand est-ce qu'il est né ou quand est-ce que ses enfants sont nés. Pour que justement, quand son enfant atteint l'âge de 15 ans égyrien, il doit prier. C'est important parce que la différence peut-être va être de 3 à 4 mois. Hein, chaque année, il y a 2 semaines qui se rajoutent généralement entre le calendrier musulman et kofar. Ça veut dire qu'à 15 ans, combien de mois sont passés ? Peut-être 3, 4 mois en plus. Ça veut dire que l'enfant, il a 15 ans 3 ou 4 mois avant les 15 ans du calendrier grégorien. C'est-à-dire que pendant 3, 4 mois, il n'a pas prié. Pourquoi ? Parce qu'il dit « je ne suis pas pubère » alors qu'il était obligatoire pour lui de prier. Regardez l'importance. Regardez la gravité de la chose. Donc il y a yatim, celui qui a perdu son père. Par contre, celui qui a perdu que sa mère, on a dit que c'est pas, il n'est pas considéré comme yatim. Vous vous rappelez comment on appelait? Ouais, non mais celui qui perd sa mère, pas son père. Celui qui sa maman décède, mais son papa est toujours vivant. Non mais en arabe. En wolof. Ouais mais en arabe. En arabe c'est pas le même mot. Hein? Al-ajiou, hein? On avait dit, Ewa. Et celui qui perd son père et sa mère, c'est loin dans les cours, hein? Non, c'est dans Tafsir. On l'avait vu dans Tafsir. Ben oui, dans Surat Ad-Duha. Allez, ça, Kadalik? Il m'a mis un doute, notre frère là. Reprenez vos notes. Vous avez pris pas de notes. Et ouais. Hein? Et ouais. La team, c'est père et la mère. Donc on l'a bien, voilà, on l'a bien vu dans. Non. Jazakumullahu khairan. Et ouais. Ajiyu. Celui qui a perdu sa mère uniquement. Mais pourquoi il n'est pas considéré dans yatim, celui qui a perdu seulement sa mère? Car il a toujours celui qui dépense pour lui parmi les créatures. Parce que c'est le père. L'obligation de la dépense est sur le père. Voilà pourquoi hein, celui qui perd son père est beaucoup plus... on porte plus attention à lui dans la mesure où il n'a plus personne qui dépense pour lui. Donc le fait de prendre en charge l'orphelin, c'est sous cet aspect-là. Parce qu'il n'a plus le père qui doit prendre en charge. Et la mère, c'est la mère. La mère, elle ne travaille pas, elle est à la maison, elle s'occupe des enfants. Et il n'y a plus le père. Vous comprenez ? Tayyib. ذا مقربة نذا قرابة من الإنسان لأنه إذا كان يتيما كان له حظ من الإكرام والصدقات وإذا كان قريبا ازداد حظه من ذلك لأنه يكون واجب سلة فمن جمع هذين الوصفين اليتم والقرابة فإن الإنفاق عليه من اقتحام العقبة إذا كان donc comment il est cet orphelin ici dans le verset yatiman dha maqraba, yani il fait partie de ceux qui sont proches, yani de la famille proche, car la personne hein, si elle est orpheline hein, elle a une part, elle doit recevoir une part dans le fait d'être, on prend soin de lui, hein, on doit l'honorer, prendre soin de lui parce qu'il est, il est yatim, il est orphelin, et on lui donne des sadaqat, on donne des aumônes. Pourquoi ? Parce que c'est un orphelin. Mais en plus, si il fait partie de la famille proche, alors ça rajoute encore plus, ça rajoute une deuxième part. Parce que maintenant, il est obligatoire de quoi ? D'entretenir les liens de parenté. Donc il a la part de l'orpheline, de la situation d'orphelin, et il a la part en plus que c'est de la famille proche. Donc il reçoit deux parts. Vous comprenez? C'est pour ça qu'ici Allah subhanahu wa ta'ala mentionne yatiman dha maqraba. C'est double, il y a double raison pour s'occuper de lui. Miskinan dha mataraba. Al-miskin wa alladhi la yujad quwwatahu quwtahu afwan astaghfirullah. Quwtahu wa la quwta 'iyalihi. Ensuite il parle du miskin. Miskinan dha mataraba. Miskin, c'est celui qui ne trouve pas sa subsistance, ce qu'il a besoin de manger. Et non plus ce que sa famille a besoin de manger. Ici, on fait une parenthèse en mentionnant le farq, que vous connaissez, je pense, bain al-faqir wa al-miskin, en arabe. En arabe, il y a le faqir et il y a le miskin. Iza dhakara jami'an huwa anna al-faqir ashaddu haja min al-miskin. Si les deux mots sont mentionnés ensemble, al-faqir ou al-miskin, comme dans surat, non, comme dans le verset sur al-zaka, c'est quel surat? Hein? Al-sadaqat al-fuqara wa al-masakin? Là. Aïn al-huffad? Ça, c'est le premier surat. Ouais. Mohamed, non, ça vient pas. Hein? Hein? Tauba, hein? Hein? Tauba, Tauba. Regarde, laisse réfléchir. Hein? Tauba, hein? Ayat al-Zaka. Sadaqa lil-fuqara wal-masakin. Tauba, naam. Naam. C'est l'asnaf, asnaf al-mustahiqina lil-Zaka. Les catégories, les huit catégories des personnes qui doivent recevoir la zakat. Hein? Al-fuqara, les pauvres, al-masakin, les indigents, je crois, comment ils traduisent en français? C'est indigents. On va voir la différence justement ici. Hein? Ceux qui collectent la zakat, hein? Ceux qui sont lourdement endettés, fi sabilillah, dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein? Pour rapprocher son cœur à l'islam, hein? Pour justement affranchir les esclaves et. Ibn Sabil. Et le voyageur en détresse. Hein? Ça, on l'étudie généralement dans le livre de la zakat. Et dans surat, le verset est mentionné dans surat At-Tawba. Donc ici, quand dans le verset, les deux mots, al-faqir ou al-miskin, sont mentionnés ensemble. C'est que ça veut dire que, c'est comment on les différencie? Le faqir, son pluriel, al-fuqara, il est encore plus pauvre que le miskin. Lui, le faqir, il a rien. Il a rien. Il n'a rien. Il a rien pour lui. Alors que le meskin, hein, il a indahu shay, lakinna yakfi. Il a quelque chose, mais ça ne lui suffit pas. Il a peut-être une maison. Peut-être il a une voiture. Peut-être il a un travail. C'est possible. Mais à chaque fois, hein, le 5, le salaire il tombe. Le 6, il n'a plus rien. Mais il a sa maison, il a sa voiture, il a son travail. Mais le 6, il n'y a plus rien. Il ne faut pas venir demander, hein, de l'argent, mes besoins, il n'y a plus rien. Ça, c'est le meskin. D'accord? Et si les deux mots sont mentionnés séparément, ils ont le même sens. D'accord? Du pauvre, hein, du pauvre en général. Du pauvre en général, que ce soit le pauvre très pauvre ou le pauvre. D'accord? Mais s'ils sont mentionnés ensemble, ça. C'est quoi la preuve? La preuve, c'est dans Sourate Al-Kahf. أما السفينة فكانت للمساكين يعملون في البحر. Dans Sourate Al-Kahf, il dit quoi Allah subhanahu wa ta'ala? Quant au bateau, vous connaissez tous l'histoire de Moussa et de Al-Khadr, hein? Lorsque Al-Khadr il a coulé le bateau, il lui a expliqué pourquoi. Quant au bateau, il appartenait à des pauvres qui travaillaient sur la mer. Ils avaient un bateau, mais ils étaient pauvres. فهمتم؟ المهم. والمطربة مكان التراب، والمعنى أنه مسكين ليس بيده شيء إلا تراب. الله أكبر. مطربة، c'est quoi؟ c'est le lieu où il y a la poussière. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que le meskin, il a rien entre ses mains excepté de la poussière. ومعلوم أنه إذا قيل عن الرجل عن الرجل ليس عنده إلا التراب فالمعنى أنه فقير جدا ليس عنده طعام وليس عنده كساء وليس عنده مال فهو مسكين ذو متربة. Et il est connu, il nous dit les chiffres, il est connu que celui quand on dit d'un homme, il a rien excepté la poussière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est très pauvre. Il a pas de nourriture. Il n'a pas d'habit, il n'a rien, il n'a pas d'argent, il est pauvre. Zou matalaba. Vous comprenez? Allahu musta'an. Donc ici, hein, Allah Azza wa Jal, il a expliqué, il a clarifié, c'est quoi cette voie difficile? C'est de faire ces œuvres-là. Affranchir les esclaves, nourrir des gens en période de famine, s'occuper de l'orphelin proche et dépenser pour les pauvres qui n'ont rien. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ثم كان يعني ثم هو بعد ذلك ليس محسنا إلا اليتامى والمساكين فقط بل هو ذو إيمان. آمن بكل ما يجب الإيمان به وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يجب الإيمان به فقال حين سأله جبريل عن الإيمان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. Ensuite donc il mentionne que celui-ci il ne pourra être bienfaisant envers les orphelins, envers les pauvres, uniquement s'il fait partie de gens de l'Iman. Thumma kana min alladhina amanu. Yani celui qui, après cela, c'est celui qui, yani, après avoir mentionné ses caractéristiques, celui-ci concerne celui qui a l'Iman. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clarifié et expliqué c'est quoi l'iman ou quel est l'iman obligatoire. Quand Jibril alayhi sallam, dans le fameux hadith de Jibril, lui a demandé akhbirni anil iman, informe-moi à propos de l'iman, il a dit l'iman c'est que tu crois en Allah, aux anges, aux messagers, aux livres, au jour dernier, au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Et ici, c'est une réfutation à quoi? Une réfutation à ceux qui disent ouais, ceux-là, le kuffar, qui font le bien, qui nourrit les pauvres, qui font la charité, qui font l'humanitaire, ils vont être récompensés. Non. Parce qu'ils n'ont pas l'iman. Ils n'ont pas l'iman. L'iman, c'est une condition pour que tes œuvres soient acceptées. Si tu n'as pas l'iman, tes œuvres ne sont pas acceptées. Même si tu viens avec des montagnes de bonnes œuvres, elles ne seront pas acceptées. وقوله وتواصوا بالصبر أي أوصى بعضهم بعضا بالصبر والصبر ثلاثة أنواع سبع على طاعة الله وسبع عن معصية الله وسبع على أقدار الله المؤلفة فهم سابرون متواصون بالصبر بهذه الأنواع السبع على طاعة الله والسبع على معصية الله عن معصية الله عن معصية الله ثم الصبر على أقدار الله المؤلفة. Et ensuite, il mentionne Watawasu bisabr. Donc, ils sont ceux qui ont la foi et ceux qui s'enjoignent mutuellement quoi? La patience. Ils se conseillent entre eux la patience. Je conseille la patience, ils me conseillent la patience. C'est réciproque. Et la patience, comme on l'a déjà cité plein de fois, elle est de trois catégories. La patience sur l'obéissance à Allah, la patience sur les désobéissances à Allah et la patience sur le destin qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné. Et on l'a expliqué. La patience dans les obligations d'Allah. Tu patientes, des fois c'est dur. Te lever fajr pour aller à la mosquée, c'est difficile. Mais tu patientes, tu te lèves, tu fais tes ablutions, tu pars. Et autre encore comme exemple. Ou la patience sur les désobéissances à Allah. Al-haram, il est là sous tes yeux, tu peux le faire, mais tu patientes, tu te retiens de faire ce haram. Et la patience sur le qadar qu'Allah Azza wa Jalla a décrété. Tu es touché par la maladie, par la perte d'un proche, par la pauvreté. Tu patientes parce que tu sais que c'est le qadar d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Al-Muhim, ça nécessite une série de cours. On avait déjà parlé dans Riyad al-Salihin. وقد اجتمعت هذه الأنواع الثلاثة في الرسل عليهم الصلاة والسلام واتباعهم فها هو الرسول عليه الصلاة والسلام صابر على طاعة الله ويجاهد في سبيل الله ويدعو إلى الله ويؤذى ويعتدى عليه بالضرب حتى هم المشركون بقتله وهو مع ذلك صابر محتسب وهو أيضا صابر عن معصية الله لا يمكن أن يغدر بأحد ولا يكذب أحدا ولا أن يخون أحدا وهو أيضا متق لله تعالى بقدر ما يستطيع كذلك صابر على أقدر الله كم أوذي في الله عز وجل من أجل طاعته أليست قريش قد أذوه حتى إذا رأوه ساجدا تحت الكعبة أمروا من يأتي بسلا ناقة فيضعه على ظهره وهو ساجد عليه الصلاة والسلام وهو صابر في ذلك كله. Et ces trois catégories de patience sont toutes réunies dans les messagers alayhimus salatu wassalam et dans ceux qui les ont suivis. Ce messager, notre prophète bien-aimé, l'être qu'on aime le plus au monde, avant notre propre personne, avant nos parents, avant nos enfants, avant la totalité des gens, Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim sallallahu alayhi wa sallam, était patient dans l'obéissance d'Allah. Il combattait dans le sentier d'Allah. Il appelait les gens à Allah subhanahu wa ta'ala et il était persécuté. Il était victime de préjudices. Hein, il était frappé à tel point que al-mushrikoun, les associateurs, ont voulu le tuer sallallahu alayhi wa sallam, mais lui, il était patient. Il espérait la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, il était patient dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne pouvait pas trahir personne. Il ne démentait pas une personne. Ou il ne traitait pas de menteur une personne. Il ne trahissait pas une personne. Et il était pieux. Il craignait Allah subhanahu wa ta'ala du maximum qu'il pouvait sallallahu alayhi wa sallam. Également, il patientait sur le décret, sur le destin d'Allah Azza wa Jal. Combien de fois il a été persécuté pour Allah subhanahu wa ta'ala à cause de son obéissance à Allah Azza wa Jal. N'est-ce pas que Quraysh l'ont persécuté à tel point que lorsqu'ils l'ont vu prosterné devant la Kaaba, ils ont dit: qui va chercher les entrailles de telle chamelle, hein, les viscères et les boyaux et les tous les déchets, hein? Et ils l'ont été chercher. Une chamelle, c'est pas un mouton. Hein, vous voyez le Eid, hein, le mouton, quand vous sortez les saletés, etc., vous envoyez les enfants l'enterrer. Il y a beaucoup. Chamelle, c'est 10 fois plus grand. Ou même plus. Et le prophète est prosterné devant la Kaaba, sallallahu alayhi wa sallam. Et ces kuffars, ils sont venus, ils ont déversé ceci sur le dos du prophète sallallahu alayhi wa sallam devant tout le monde. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté patient. Il est resté patient, il espérait la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Adhin, inshallah. Naam. Wa Yusuf alayhi salatu wa salam sabara ala aqdarillah faqad ulqiya fil bi'r fi ghayabati al-jubb وأوذي في الله بالسجن ومع ذلك فهو صابر معتصب لم يتضجر ولم ينكر ما وقع به. Également يوسف عليه السلام, le prophète يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. أحسنتم. يوسف عليه السلام également il était patient sur le décret d'Allah Azza wa Jal, lorsqu'il a été jeté au fin fond d'un puits, alors qu'il était un jeune garçon, hein, ou alors lorsqu'il a été persécuté ou il a été mis en prison, hein. Cependant, avec tout cela, il est resté patient, espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne s'est pas plaint. Il n'a pas réprimandé ce destin. Donc ainsi mes frères, hein, sont nos exemples. Lorsque nous sommes touchés par des épreuves, rappelons-nous les épreuves des prophètes et des messagers, et lisez sur la Al-Anbiya, et vous verrez les épreuves qu'ont touchées, hein, les messagers et les prophètes, et ils ont été patients et ils ont espéré la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qaluhu wa tawasaw bil marhama ay awsa ba'duhum ba'dan an yalhama al-akhar wa rahmatul insan lil makhluqat takunu fil ba'ahim wa takunu fil natiq fa hum yarhamu aba'ahu wa ummahatihi wa abna'ahu wa banatihi wa ikhwanahu wa akhawatihi wa a'mamahu wa 'ammatihi wa hakadha wa yarhamu kadhalika sa'ira al-bashar wa huwa aidan yarhamu al-hayawan al-bahim fa yarhamu naqatahu wa farasahu wa himarahu wa baqaratahu wa shatahu wa ghayra dhalik. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الله أكبر. Et ensuite ils s'enjoignent quoi? El marhama, la miséricorde. C'est-à-dire ils s'enjoignent, hein, ils se conseillent mutuellement, hein, la miséricorde. Et la miséricorde de la personne envers les créatures, elle peut être soit envers les animaux, soit envers les êtres humains. Donc il fait miséricorde à son père ou à ses pères, et là il parle au pluriel, à ses mères, à ses enfants, à ses fils, à ses filles, à ses frères, à ses sœurs, à ses oncles maternels, à ses tantes paternelles, etc., etc. À sa famille, hein. Également, il fait miséricorde à l'ensemble des êtres humains. Au reste des êtres humains, il fait miséricorde également, hein, aux animaux, hein, il fait miséricorde à sa chamelle, à son cheval, à son âne, à sa vache, à son mouton, hein, pour ceux qui ont des animaux. Regardez l'islam. L'islam est venu et a enseigné le bien et le bon comportement avec toute créature, même ton mouton, ton âne, hein. Malheureusement aujourd'hui, beaucoup de musulmans ne respectent pas cela, subhanallah, hein, et maltraitent les animaux. Et donc ceci est contraire à l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné ce hadith extraordinaire, hein, rapporté par At-Tirmidhi, hein, authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala: ilhamu man fil ard yarhamu man fil sama. Allahu akbar. Faites miséricorde à celui qui est sur la terre. Là c'est général, que ce soit l'être humain, l'animal, hein, et celui qui sera aux cieux vous fera miséricorde. Allahu Akbar. Là, c'est encore une preuve que Allahu fis sama. Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création, au-dessus des cieux, subhanahu wa ta'ala. Oulaika ay awlahi al-mawsufun bi hadhihi sifat ashabul maymana. Et donc ceux-là, c'est qui ceux-là? Ceux qui sont décrits par ces caractéristiques. Hein, ceux qui affranchissent les esclaves, ceux qui donnent à manger en temps de famine, ceux qui s'occupent de l'orphelin proche, celui qui donne à qui nourrit le pauvre, le pauvre, et celui qui croit qu'à la foi, qui se conseille mutuellement la patience et la miséricorde, alors ceux-là, ashabul maymana, ce seront les gens de la droite, c'est-à-dire alladhi yu'tuna kitabahum yawm al-qiyamah bi aymanihim, ceux qu'on donnera yawm al-qiyamah, hein, leur livre dans la main droite. فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Et celui à qui on donnera son livre de la main droite, يوم القيامة, alors il aura un compte, hein, ses comptes seront facilités. Et il retournera vers sa famille, hein, heureux. Comme dans Surat Al-Inshiqaq. Hein? والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. Alors que ceux qui ont mécru, ceux qui ont rejeté nos signes, nos versets, alors ceux-là seront les gens de Al-Mash'ama. Ou Al-Mash'ama, certains ont dit hein, c'est Al-Shimal et d'autres ont dit Al-Shum. Yani, soit c'est les gens de la gauche, ceux qui recevront leur livre de la gauche, et c'est le tafsir qui est le plus adéquat dans la mesure où il a mentionné Ashabul Maïmana en premier, hein, les gens de la droite, ou certains disent les gens de la malchance, yani ceux qui, Al-Shum comme on dit en arabe. Alayhim narum mu'sada. Et ça, on l'a vu dans quel verset? Dans quelle sourate? Hein? Ah ouais, l'humaza, l'humaza. Narum mu'sada. C'est pour ça que certains ils se trompent. Ils récitent cette balade. Hein? Alayhim narum mu'sada fi amadim mumaddada. Hein? C'est déjà arrivé ça. Parce qu'ils sont habitués à lire l'humaza. Hein? Donc un feu qui est fermé. Mu'sada ni mu'laqa. Un feu dans lequel ils sont enfermés. Ils ne peuvent pas sortir. Ils n'ont aucune voie, aucun chemin pour sortir de ce feu de l'enfer. جزاكم الله خيرا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا